withdraw from that. Bitch, up a label, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, we'll be right back. de pas pourrir le diable, faire mieux que ceux qui ignorent. De pas pourrir le diable, c'est plus facile, j'ai encore pas dit mon dernier mot. Exhale, ne prends pas pour toi, y'a rien à voir, et peut-être que, et que si on a la chance, on en prendra Catelaya. Tu diras comme tu voudras, je le saurai quand je l'entendrai. suis arrivé.